au clair de la terre. Mes amis, terriens, pour être sincère, y a pas d'arlequin, pas de colombine et pas de pierrot, tel qu'on l'imagine quand on est marmot. C'est Neil Armstrong qui me l'a dit en revenant sur terre, lui qui le tout premier nous vit dans un beau clair de terre. Au clair de la terre, mes amis terriens, pour être sincère, on n'est pas si bien qu'au clair de la lune, lorsque deux amants s'aiment sur les dunes un soir de printemps. C'est Neil Armstrong qui me l'a dit en revenant sur terre, lui qui le tout premier nous vit dans un beau clair de terre. Au clair de la terre, on se sent des dieux. Mais soyons sincères, on ne fait que revenir sur terre afin de rêver à ces clairs de terre en sécurité. C'est Neil Armstrong qui me l'a dit en revenant sur terre, lui qui le tout premier nous vit dans un beau clair de terre.